C'est ça, c'était Jack Monologue et on va passer Jack Monologue de Gilles Vigneault et on va passer tout de suite tiens, à notre entrevue au téléphone avec Victor Teboul. Victor Teboul, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on va parler de votre livre qui s'intitule « Bienvenue chez Monsieur B ». Oui. À l'Harmattan. Oui. Alors, c'est vous le présentez comme un livre de politique fiction. Exact. C'est vrai, c'est un politique fiction. On peut commencer tout de suite par l'argument du livre, si vous voulez nous le présenter un peu. Oui, bien sûr. C'est une histoire qui se passe dans les coulisses du pouvoir juif de Montréal. Il s'agit de mon personnage favori, Maurice Benaïm, qui se retrouve cette fois-ci à être journaliste dans un poste de télévision éducatif de Montréal, où il interviewe un ancien militaire allemand, nazi, et qui est reconnu par les téléspectateurs. Et là, ça crée tout un émoi. Bref, il est remarqué par un richissime philanthrope juif qui s'appelle Monsieur B, d'ailleurs, et il l'embarque, il l'embauche pour diriger un organisme qui vise à réconcilier les peuples ennemis de la Terre, qui s'appelle d'ailleurs le CRI. Et c'est à partir de là que commence toute l'action. C'est ça, c'est donc c'est un milieu, bon, c'est un milieu qui est peu connu, qui est assez occulté là, par la, autant il peut avoir des préjugés, le milieu juif à Montréal. Ici, vous le présentez d'une façon très, bon, avec beaucoup de lutte intestine. Oui, ben voyez-vous, c'est un roman qui explore le milieu juif et plus particulièrement le pouvoir juif. C'est évident que ce sont des personnages qui sont d'abord et avant tout des personnages québécois. Il y en a même un qui est un personnage québécois pur laine qui s'appelle Sylvain Paquin dans le livre, et un autre qui est député à l'Assemblée nationale qui s'appelle Arthur Goldberg, qui est d'ailleurs un personnage qui réapparaît dans mes autres romans. Et dans ce contexte-là, on peut voir qu'effectivement, ici, il s'agit d'un milieu juif, ça a des répercussions sur toute la société québécoise, sur le milieu politique. Je mentionnais l'Assemblée nationale, il y a à un moment donné des pressions parce qu'il va y avoir la guerre au Liban, ça se passe dans les années 80. Oui. Et commencé dans les années 80, il y a eu la guerre au Liban en 82, et ce conseil de la réconciliation intercommunautaire que va diriger Maurice Benaïm va se retrouver au centre, si vous voulez, de ce conflit. Et c'est évident que, comme on le sait d'ailleurs, les conflits qui se passent ailleurs nous touchent de très près. Et c'est un milieu que j'ai trouvé intéressant, que j'ai connu d'ailleurs moi-même également, et que j'ai décidé d'explorer. Il s'agit que dans cette histoire-là, à un moment donné, il y a un général qui s'appelle Shalom, qui va être invité à venir pour mousser une soirée bénéfice, et il sera accusé de crime de guerre. Vous voyez, on se retrouve un petit peu dans un contexte international que l'on connaît assez bien. Et donc, ça va créer des tensions. Est-ce que Maurice Benaïm va réussir à remplir le mandat que lui a confié M. B., à savoir de réconcilier juifs et arabes, israéliens et palestiniens, mais aussi québécois indépendantistes et fédéralistes? Et donc, vous voyez, on se retrouve en plein dans une situation où il y aura beaucoup de tensions, il y a de l'action, et moi, évidemment, j'aime les romans, j'espère que les lecteurs et les lectrices vont l'aimer également, où il y a des rebondissements et où il y a de l'action. En fait, qui nous incite à tourner les pages, si vous voulez. A page turner, comme disent les Anglais. Oui, c'est le mot qu'on emploie, c'est vrai. Victor Teboul, vous avez dit tantôt que vous avez écrit, ce sont des personnages récurrents, vous avez écrit combien de livres avec ces personnages? Ça, c'est mon troisième roman. J'ai à mon actif 7 livres, dans quelques essais. Il y a aussi, comme on le sait, un livre sur René Lévesque. Oui. J'ai écrit un livre sur le libéralisme au Québec. Le premier livre qui entre guillemets, m'a fait connaître, en quelque sorte, c'est le livre « Mythes et images des Juifs » dans les années fin 70, qui avait créé une polémique à l'époque sur les stéréotypes et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que le roman, c'est ce sur quoi je me concentre en ce moment. C'est une œuvre de fiction. « Bienvenue chez Monsieur B » est un roman, donc c'est de la pure fiction, même si les situations et le contexte est réel. On sait ce qui s'est passé dans les années 80, par exemple, exemple, ce n'est pas un hasard que M. B crée cet organisme de la réconciliation, parce qu'au milieu des années 80, comme on le sait, on venait de perdre le référendum de 1980. Et M. Lévesque propose, vous savez, comme on le sait, il est revenu au pouvoir en 81, il propose le beau risque. Et il y aura comme une main tendue vers le libéralisme et vers le fédéralisme, pardon, et comme on sait, Mulroney, qui arrivera au pouvoir en 84, arrivera au pouvoir aussi avec le soutien de plusieurs souverainistes, notamment de M. Lucien Bouchard, qui plus tard va fonder le Bloc québécois. Bref, il y a eu comme une des alliances, une espèce de réconciliation, si on veut, et j'ai pris ce contexte-là de la réconciliation pour explorer et mettre en scène mon personnage Maurice Benahim. L'idée de la réconciliation, donc, est une idée qui est dans l'air à cette époque-là, dans les années 80. Oui, et Victor Teboul, vous avez choisi ce temps, 1980, parce que c'était plus vivant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça semble un peu... On parle moins de ces sujets? Oh non, pas nécessairement. Au contraire, je pense qu'on est en plein dans l'actualité. On sait ce qui s'est passé en Norvège. On sait par ailleurs qu'il y a toujours des tensions à Montréal même entre les groupes pro-palestiniens et pro-israéliens. Donc, même si le roman se situe dans les années 80, milieu des années 80, à l'époque de la guerre du Liban de 82, je pense que ça reste quand même d'actualité, compte tenu des tensions. On n'a qu'à regarder les nouvelles, voir les manifestations, soit pour ou contre la guerre en Irak, en Afghanistan. Bref, je trouve qu'on se retrouve en plein dans une situation pas mal semblable. Oui, c'est vrai. Juste un mot sur le titre. Votre titre, il contient un point d'exclamation. Bon, évidemment, le bienvenu prévoit peut-être l'exclamation, mais c'était voulu pour vous, ce point d'exclamation? C'est important parce que, vous savez, Maurice Benahim est un personnage dont la candeur, l'innocence, la naïveté permet de le placer dans toutes sortes de situations qu'il n'a pas choisies. Donc, c'est évident que même s'il penche un peu vers la gauche, il est quand même attiré par l'argent, par le pouvoir, par les puissants. Et bon, il se retrouve à être engagé par M. B. Et à un moment donné, dans le contexte de cet accueil, un des personnages qui s'appelle Sylvain Paquin va lui tendre la main et lui dire « Bon, ben voilà, ben bienvenue chez M. B. » Oui, et c'est pour ça qu'il y a le point d'exclamation. Oui, c'est ça. On est en compagnie de Victor Teboul et on parle de son livre « Bienvenue chez M. B. » aux éditions de l'Harmattan. Bon, évidemment, vous dites que c'est de la fiction, mais vous aimez beaucoup, vous avez votre goût de l'essai ou de l'explication revient et ça vous permet, c'est le propre même du livre de politique fiction, c'est pas simplement une fiction, il y a une volonté d'explication. Et il y a un très beau chapitre intitulé « Isaac et Ismaël, frères ennemis ». Peut-être expliquer... Oui, effectivement. Expliquer aux auditeurs. Bien, écoutez, dans cette scène, effectivement, je pense que, comme vous le savez, d'ailleurs, comme on le sait, Israéliens et Palestiniens sont des sémites, ils viennent de la même source, si on peut dire, ethnique, et même historique, si on tient compte de la Bible. Et donc, dans ce sens-là, sans vouloir révéler l'issue de ce qui se passe dans le roman, j'ai voulu un petit peu explorer cette situation où, comme on le sait, Ishmaël est en quelque sorte, si vous voulez, le frère un petit peu rejeté, comme on le sait dans la Bible, dans l'histoire plus spécifiquement d'Abraham. On sait que à un moment donné, le fils d'Abraham, c'est, si vous voulez, qui donne en quelque sorte la progéniture arabe, finalement, c'est quelqu'un qui a été rejeté dans cette tribu d'Abraham. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai voulu explorer cette rivalité qui finalement touche deux frères, en quelque sorte. Oui, c'est intéressant parce que c'est pas tout le monde qui a une notion sur la Bible, et c'est vrai que c'est à la fois c'est religieux, mais c'est aussi une mythologie, une archétype. C'est intéressant, c'est une option que vous nous offrez d'interprétation qui est qui peut être prise, ou on l'a regardée, bon, évidemment, on peut la juger, mais ça reste intéressant. Je trouvais ça passionnant parce que c'est ça le propre de vos récits, de vos œuvres romanesques, c'est que vous ne voulez pas simplement raconter une histoire. Bien oui, pour revenir un peu à Ishmael, c'est le frère en quelque sorte rejeté, et il symbolise aussi le peuple opprimé qui est représenté aujourd'hui par le peuple palestinien. Donc sans vouloir, je ne prends pas position évidemment dans aucun de mes livres, ce que je fais par contre dans mes essais, et je ne mets qu'en scène, si vous voulez, des situations qu'on a tendance peut-être un peu à oublier. Et c'est pour ça que il est question des deux frères ennemis dans ce chapitre-là. Pour la question de ce que j'aborde dans mes romans, oui, tout d'abord, mes romans, l'action de mes romans se passe au Québec, à Montréal. Et c'est sûr qu'il y a des personnages juifs, francophones, anglophones, que je retrouve et qui me permettent d'explorer leur situation en tant que juif, mais aussi en tant que Québécois. Comme je mentionnais tout à l'heure le nom d'Arthur Goldberg, qui est un autre de mes personnages qui apparaît dans Que Dieu vous garde de l'homme silencieux quand il se met soudain à parler, qui est un personnage juif de langue anglaise, mais qui parle parfaitement bien le français. Et c'est lui qui initie dans ce roman Maurice Benaïm à la société québécoise et à la complexité, si vous voulez, des différences entre les anglophones et les francophones au Québec. Donc il a une conscience de l'histoire québécoise. Et cet Arthur Goldberg se retrouve dans Bienvenue chez Monsieur B en étant député cette fois-ci, parce que c'est un indépendantiste. Il est député d'un comté, le comté de Boisbriand, comme par hasard, qu'on connaît très bien, et il n'a pas que des juifs parmi les membres de son comté, mais il y a aussi des juifs, mais il représente évidemment un comté québécois. Mais il est nationaliste, il est indépendantiste, il est aussi socialiste. Alors dans quelle mesure va-t-il lui aussi être une victime dans tous ces jeux que l'on retrouve autour de Monsieur B? Par exemple, dans le roman, Monsieur B vise à construire une usine de diamants, Arthur Goldberg se retrouve à hériter de cette usine dans son comté, vous voyez, donc je vous révèle un petit peu l'action. Non, mais cela ne se fait pas évidemment de façon innocente. Monsieur B tire toujours les ficelles, essaye d'obtenir quelque chose en retour. Bref, je laisse évidemment au lecteur de voir la suite. Mais c'est encore une fois, c'est une histoire qui est une histoire québécoise, ça se passe à Montréal et ce sont des personnages québécois. Oui, c'est ça, mais c'est ce qui est intéressant, c'est surtout c'est un milieu qui est peu connu, qui est peu qu'on retrouve très peu dans la littérature québécoise, le monde que vous nous présentez là. Bien, j'espère que de plus en plus d'auteurs vont explorer ce milieu. Oui, c'est un milieu que moi je connais très bien, dans lequel j'ai œuvré également et sur lequel il m'arrive maintenant d'écrire. Il est peut-être peu connu au Québec et c'est peut-être original d'une certaine manière, si je puis le dire. Ça permettra peut-être aux lecteurs de découvrir un univers peu connu. Mais le principe même de ce roman, et j'imagine des autres que vous avez écrits, c'est que je reviens justement à cette idée, c'est que ce n'est pas simplement une raconter une histoire, il y a une volonté de présenter plusieurs voix, plusieurs personnages qui ont des idées. Par exemple, j'ai noté ici que, par exemple, il y a un personnage qui raconte que il dit, tout d'abord, nous devons reconnaître que la communauté juive mondiale a perdu tout leadership auprès des déshérités de la terre, pour reprendre la formule du docteur Leibovitch. Ce n'est pas un secret pour personne que, encore une fois, il s'agit du roman et c'est un personnage qui exprime ce point de vue qui n'est pas nécessairement le mien. Oui. Et lorsque ce point de vue, je voudrais le défendre, je vais le faire aussi dans un essai. Mais ce n'est pas un secret que, évidemment, la communauté juive et les communautés juives en général, que ce soit en France, aux États-Unis, ou du moins les représentants qui s'identifient à la position israélienne s'associe également à ceux qui sont au pouvoir en ce moment. Que ça soit Sarkozy en France, que ça soit, je sais pas, autrefois Bush, peut-être un peu moins avec Obama, mais peut-être également un petit peu avec la politique américaine, que ça soit avec Monsieur Harper. Je veux dire, il n'y a rien de plus explicite par rapport à un pouvoir de droite qui a été cherché le vote juif. Je veux dire, ça c'est un secret pour personne. Donc le personnage, ce qu'il dit dans cette scène-là, c'est qu'il déplore le fait que les communautés juives dans le monde ne s'identifient pas aux opprimés de la terre, mais au contraire s'identifient à ceux qui sont au pouvoir en ce moment, aux puissants, autrement dit. Et c'est ce point de vue-là que ce personnage exprime. Ce livre, vous l'avez, peut-être on peut revenir peut-être à ce qu'on appelle la cuisine de la littérature. Quand vous écrivez Victor Teboul, ça part d'une idée, ça part d'une émotion, ce livre-ci, vous l'avez écrit suite à... Oui, c'est intéressant votre question. Moi, il y a plusieurs sujets qui me préoccupent, même maintenant et aussi pendant que j'écrivais ce livre. Un des thèmes qui me préoccupe beaucoup en ce qui touche la communauté juive, mais aussi toutes les communautés, c'est l'accent qui est mis, l'accent un peu démesuré, si vous voulez, sur le passé, sur l'histoire. J'ai beaucoup lu, par exemple, Esther Benbassa, que je cite en exergue dans mon livre, qui est un auteur français, qui a une historienne qui a soulevé un tas de questions par rapport à l'accent qui est mis sur l'Holocauste. Dieu sait qu'on finance à coups de millions des musées qui portent sur les souffrances du passé. Donc je me suis interrogé dans quelle mesure cet accent qui est mis sur le passé ne fait pas une espèce d'obstruction par rapport à ce que nous vivons actuellement. C'est bien beau de parler de l'Holocauste et de construire des musées à coups de millions. Il ne faut pas oublier que les génocides continuent de se perpétuer sur la planète. Donc c'est beaucoup plus les génocides actuels sur lesquels il faut se pencher que ceux qui... Il ne faut pas non plus nécessairement oublier ceux qui ont eu dans le passé, mais l'accent qui est mis dans, et les investissements, point de vue énergie, point de vue argent, ça me désole, parce que je pense qu'il y a bien autre chose que de mettre l'accent sur les souffrances du passé. C'est un peu ça qui m'a préoccupé. C'était pas la seule chose, évidemment. Je voulais dépeindre un univers, je voulais explorer cet univers et je voulais utiliser la littérature et le monde que je connais pour décrire cet univers. Mais disons que c'est un des points qui me préoccupe actuellement. D'accord, c'est intéressant. J'imagine que vous avez d'autres livres en chantier. Est-ce que c'est une idée balzacienne de retrouver les mêmes personnages qui voyagent dans tous vos livres? Oui, on me pose souvent la question. Mais vous savez, je trouve que Maurice Benaïm a quelque chose d'intéressant, ne serait-ce que par son parcours. Il ne me représente pas entièrement. Il y a des aspects de Benaïm qui font partie évidemment aussi de mon passé. Mais c'est intéressant, je pense, de pouvoir mettre un personnage dans une situation et dans une époque et de voir comment il pourra évoluer dans ce contexte-là. Oui, on vous retrouve aussi à travers les lignes. Il y a comme une mise en abîme. Il y a le nom de Victor Teboul qui apparaît dans votre livre. Oui, effectivement. Victor Teboul apparaît dans le livre et j'ai voulu comme mettre un petit peu en contraste Victor Teboul et Maurice Benaïm, parce que Victor Teboul, dans le livre, occupe effectivement une position de direction au sein de la communauté juive et il a une fixation. Cette fixation, c'est d'aller chercher s'il n'y a pas de l'antisémitisme dans les écrits québécois, dans les journaux, dans le paysage ambiant. Alors ça permet de rire un peu de soi. Et je trouve qu'on devrait rire davantage de soi-même dans les romans, qu'on soit juif, qu'on soit québécois. Je trouve qu'on ne rit pas assez de soi. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne occasion de rire un peu de moi-même. Oui, c'est vrai. Pour le lecteur, ça surprend. On se dit, hop, et c'est un personnage réel qui apparaît. Alors, il me semble que ce nom-là, on le connaît. Alors c'est très, très... Mais oui, pourquoi ne pas rire un peu? Oui, ça fait une surprise et c'est pas gratuit, c'est bien. Donc, je rappelle aux auditeurs auditeurs votre livre, Victor Teboul. Bienvenue chez Monsieur B aux éditions de l'Harmattan. C'est un livre qu'on retrouve facilement partout. Il est bien distribué. Il est assez bien distribué. Plus particulièrement, j'inviterai les lecteurs à visiter la librairie Zone Libre sur la rue Sainte-Catherine, où tous mes livres s'y trouvent. Donc, la librairie Zone Libre sur la rue Sainte-Catherine, près de l'UQAM. Et sur mon site personnel, d'ailleurs, victorteboul.com, on peut retrouver tous les hyperliens pour toutes les librairies ici et même en France qui ont le livre, qui vendent le livre. Donc, c'est facilement accessible, c'est distribué d'ailleurs par Prologue. D'accord. C'est un livre qui a été publié récemment, hein? C'est pas ça, ça a été longtemps? Publié fin 2010 et c'est arrivé à Montréal puisque ça a été publié à Paris. C'est disponible à Montréal depuis le mois de mars 2011, de mars dernier. C'est bien. Publié à Paris comme ça, ça va bien à Paris. Il y a une bonne distribution aussi à Paris. Et bien sûr, l'Harmattan, oui. Comme vous le savez, c'est une maison d'édition assez oui, bien connue, bien cotée, qui se trouve d'ailleurs en plein cœur du Quartier Latin à Paris. Et oui, effectivement, c'est aussi assez bien distribué et diffusé en France, en Europe d'ailleurs. D'accord. Alors, je vous remercie, Victor Teboul, et à une prochaine rencontre. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. Merci bien. Donc, je rappelle aux auditeurs le titre du livre de Victor Teboul. Le livre s'intitule « Bienvenue chez Monsieur B ». Victor Teboul, écrit T-E-B-O-U-L. C'est publié chez L'Harmattan. Oui, c'est une maison d'édition française. Et juste te rappeler, parce que tantôt, Victor Teboul a souligné qu'il y avait une citation d'Esther Benbassa. C'est tiré de la souffrance comme identité. Je vais vous la lire, la citation qu'il a choisie. C'est « L'oubli n'est pas effacement de l'événement, mais seulement sortie de la mémoire désormais confiée à l'histoire ». Et il y a deux autres citations, une de Paul Ricoeur et une de Witold Gombrowicz. Et c'est un... Bon, je peux vous les lire, je pense que j'ai le nom. J'ai pas beaucoup de temps, il me reste 35 secondes avant les lire. Moi, je vais aller. Qu'il aille au diable se perdre en enfer, mais va pour l'enfer, je me perdrai avec lui et ne l'abandonnerai plus, car il a marché avec moi et à présent, de pair, nous marchons, lui et moi. Ça, c'est du Gombrowicz. Et Gombrowicz, eh bien, ceux qui aiment, j'ai comme ça en tête... Daniel Ferrière qui adore Gombrowicz avec Borges, c'est des auteurs sacrés. Je pense que bientôt ça va être les publicités. Alors à tantôt, on revient après les publicités.